Allô, allô! Bienvenue au Lobster 10.0. Quand j'ai démarré le Lobster, il y a de cela quelques épisodes, quelques semaines, quelques mois, je pense pas que j'avais réalisé le travail que ça demanderait. Mais malgré tout, je dois dire que j'aime ça. J'apprends beaucoup de choses en préparant les différentes émissions que je vous livre chaque semaine. Car dans le monde du podcast, on joue pas mal tous les rôles, on porte tous les chapeaux. On est aussi bien recherchiste, monteur de son, créateur que régisseur. Donc, j'ai décidé, pour différentes raisons, que cet épisode, le 10.0, serait le dernier. Ben non, je blague. Non, j'ai plutôt décidé que cet épisode serait axé sur le bonheur. Et oui, j'en suis rendu là, mais je veux en parler à ma façon. J'aime bien comprendre les choses. Je suis donc allé lire un peu sur le sujet. Premièrement, le mot bonheur vient de l'expression bonne heure. Heure est issue du latin, le sacré latin. Quand je pense que j'avais choisi de faire du latin au secondaire comme cours complémentaire, mauvais choix. Mais bon, j'ai appris à faire mes déclinaisons. Dominos, dominé, dominum, domini, domino, domino. Pourquoi on retient ce genre de choses? Mais bon. Pour en revenir au bonheur, je vous parlais de sa signification latine. Mais pour mon propre bonheur, on va laisser le latin de côté. Car c'est pas avec la racine latine du mot bonheur qu'on va comprendre sa signification. Je vais simplement vous parler de la distinction entre le bonheur et le plaisir. Car on peut facilement confondre les deux. Le plaisir est une sensation fugace, plus éphémère. Par exemple, quand je suis allé cueillir des mûres sur mon terrain arrière tantôt, puis que je me suis rempli la bouche puis que j'ai croqué dans tout ça, c'était du plaisir, c'était plaisant. Alors que le bonheur, lui, c'est plus caractérisé par sa durabilité et stabilité selon le dictionnaire. Donc, ça semble être plus un état général qui se maintient dans le temps. J'imagine que si je voulais imaginer le bonheur avec mon exemple de dégustation de mûres, ça serait comme manger des mûres tout le temps. Non, peut-être mauvais exemple, car j'aurais probablement mal au ventre assez vite. Et assis sur le bol de toilette, pour moi, c'est pas le bonheur. Donc, on va juste retenir que d'avoir du plaisir est plus facile que d'atteindre le bonheur parfait. Là-dessus, on s'écoute deux petites chansons de bonheur pour se faire plaisir, et pendant ce temps, faites l'exercice de sourire au moins deux fois. Une fois pendant chacune des chansons, question de se mettre au défi un peu. Ça peut être aussi simple que de sourire à la personne qui est assise à côté de vous dans le train. Moi, si j'étais vous, je choisirais sûrement la jolie fille aux longs cheveux bruns assise dans le banc à côté. Et pour bien la surprendre avec mon sourire, je rentrerais une paille coupée en deux dans chacune de mes canines pour avoir un sourire de vampire qui attire l'œil. J'espère que je vous ai déjà arraché votre premier sourire. On y va en chanson avec une demande spéciale, une chanson qui procure le bonheur à l'écoute, Simple de Florida, Georgia Line, et une deuxième, la chanson All Right de Jane, que j'aime surtout pour le look sexy de la chanteuse. Allez voir à 2 minutes 35 dans son vidéo. C'est cute quand elle danse. Mine is 5 plus 5, not a rocket science. This day and time, that's hard to find. It's true. The road we're on in a traffic jam. It's a sunny drive on a piece of land. It's paradise as long as I'm with you. It's like 1, 2, 3, just as easy as can be. Just the way you look at me, you make me smile. Ain't no need to complicate it. We both know. Like 1, 2, 3, just as easy as can be. Just the way you look at me. like a six string. The way this world was meant to be, like laugh and love, make a lot out of a little. It's just that simple, S-I-M-P-L-E, simple as can be. It's just that simple, S-I-M-P-L-E, simple as can be. Made for us, steer it up tonight. We won't. Quand tu penses à la vie, tu peux rapidement devenir pessimiste en te disant quel est le but derrière ça. Au final, tu peux toujours tout disséquer et te dire à quoi bon faire ci ou ça. Tu peux dire j'aimerais gagner $1 milliard et on te répondra quel est le but derrière tout ça. De toute façon, on va tous finir par mourir. Tu peux dire j'aimerais devenir super intelligent, me marier, avoir des enfants, mais au final, la chair reste de la chair. Et la chair se transforme en poussière tôt ou tard et tu finiras par disparaître. Donc pour moi, le meilleur concept que j'ai trouvé, peut-être que d'autres gens ont des concepts spirituels ou autres, mais moi le meilleur concept que j'ai trouvé c'est si tous les jours tu te réveilles et tu te dis je n'ai pas encore tout compris, sautons dans un truc de malade et on verra bien ce qui se passe. Tout le monde devrait essayer de devenir riche et célèbre au moins une fois et réussir, juste pour réaliser que ce n'est pas aussi génial que ce qu'on pense. Mais l'aventure en soi est cool. Et aussi, quand je parle d'aventure, je parle d'améliorer votre compréhension de la vie. La chose la plus importante que j'ai apprise, si je pouvais avoir 18 ans encore une fois, j'aurais espéré que quelqu'un me dise que dans le fond, personne ne sait vraiment ce qu'il fait. Même les adultes, vous savez, tout le monde est perdu et le monde est aveuglément aveugle. Donc l'aventure ultime pour moi, c'est pas de faire un saut à l'élastique ou quelque chose du genre. Pour moi, c'est plutôt d'essayer d'obtenir des nouvelles perspectives et de voir la vie comme un puzzle. Et le but dans la vie serait de chercher les aventures qui rassemblent et mettent en place les pièces de votre puzzle. Pour qu'à la fin de votre vie, vous ayez plus ou moins l'impression d'avoir fait le tour de la question. Saviez-vous qu'on peut acheter du bonheur? Aujourd'hui, j'en ai justement acheté un peu. J'ai commandé à mon collègue de travail, dont la femme est pâtissière, 8 cupcakes Red Velvet. Il doit me les amener vendredi prochain au travail. J'ai dit à mes collègues que je partagerais avec eux. Donc, d'ici vendredi prochain, chaque fois que je vais penser au travail, je vais penser à ces cupcakes rouges qu'on va dévorer tous ensemble vendredi prochain. Pour moi, c'est ça le bonheur. Et quand je vais l'avoir en bouche, là, c'est le plaisir. Donc, vous comprenez le principe. Ça s'applique à plein d'autres choses. Votre café. C'est le bonheur de vous rendre au travail. Car vous savez qu'en arrivant, vous allez pouvoir vous préparer ou vous commander un bon café. Juste d'y penser, ça vous remplit de bonheur. Et quand vous l'avez finalement en bouche, c'est le plaisir. Le plaisir commence quand vous l'avez en bouche. Même chose pour ceux qui ne sont pas célibataires comme moi. Quand vous pensez à votre femme, bonheur, plaisir, en bouche, bon, ça se passe d'explication. Maintenant que j'ai réussi à placer ma blague douteuse, je vous passe un petit segment que j'avais enregistré plus tôt dans la semaine, avant de savoir que mon Lobster 10.0 porterait sur le bonheur. Donc, je vais simplement utiliser mon logiciel pour modifier ma voix, puis on va faire semblant qu'on reçoit une invitée qui est un petit peu hors sujet. Donc cette semaine, accueillez-la sur le Lobster 10.0, on accueille notre nouvelle chroniqueuse, Madame Bissonnette, une gentille et très jolie demoiselle que j'ai rencontrée à la sortie de la pastorale dimanche passé et qui vient nous parler d'un journal qu'elle a lu. En allant faire mon épicerie chez IGA, j'ai ramassé la revue Le Bel Âge, qui donne gratuitement. J'étais curieux de voir si cette revue-là avait du potentiel pour nos aînés. Donc, si ça vous dit, on va la découvrir ensemble. Donc, c'est le Journal du Bel Âge, volume 25, septembre 2018. On voit une madame avec les cheveux blancs dessus, qui semble assez jolie, qui on la voit qui est en train de ramasser des raisins dans un vignoble. Puis on voit qu'il y a trois sujets en vedette dans la revue. C'est marqué « L'argent, économiser à l'épicerie ». Donc, on va aller voir ça. Il y a sûrement des bons trucs pour nous. « Psychologie, je veux faire à chambre à part ». Donc, on va aller voir qu'est-ce que ça dit là-dedans, les trucs. Et finalement, « Santé pour ou contre l'homéopathie ». Donc, c'est les sujets qui sont annoncés dans la revue. Donc, si on tourne déjà la première page, la première chose qu'on remarque en tournant la page, en tombant sur la deuxième page, c'est qu'on nous offre des services pour s'acheter un dentier. Clinique de denticologie Edia. Fabrication et réparation de la prothèse dentaire amovible. Et juste au-dessus de ça, c'est assez ironique, on nous propose un party dans le Faubourg Amélas. Ça, c'est à Montréal. Puis c'est quoi qu'on nous propose? C'est une épluchette de blé d'Inde. Donc, les deux vont bien ensemble. Pour les gens qui ont des dentiers, c'est très connu que le blé d'Inde, c'est l'aliment qui se mange le mieux. Donc, ça me décourage un petit peu. On va changer de page. Page suivante, qu'est-ce qu'on nous offre? Prothèse auditive. Bien entendre améliore le bien-être. Faites un test de dépistage auditif gratuit dès maintenant avec les centres Malichia. Donc, encore un petit peu décourageant. On va essayer de trouver quelque chose de plus intéressant. Page suivante. Ah, ici, ça semble intéressant. C'est écrit « Comment se préparer aux rendez-vous médicaux ». Là, on voit qu'il y a un long texte qui fait toute la page puis qui indique différents trucs quand on se prépare pour nos rendez-vous. Premier truc, informer des proches de ces rendez-vous afin qu'ils puissent vous offrir leur soutien, avant ou après. Donc oui, ça c'est intéressant. Ensuite, un autre truc, tenez un journal dans lequel vous inscrivez vos questions, vos commentaires, vos préoccupations ou inquiétudes en vue de la prochaine rencontre. Oui, c'est bien de se préparer avant d'aller à son rendez-vous. Même moi, je fais ça des fois, écrire mes questions avant d'aller chez le médecin. Ensuite, c'est marqué « Accordez-vous un moment avant ou après la rencontre pour vous détendre, respirer calmement, appeler un ami, faire une activité agréable. » Donc, bon, un petit article qui semble intéressant, donc plus un pour la revue. On va continuer. Page suivante. Bon. Les portes ouvertes aux résidences, les cascades, donc des pages qui sont remplies de publicité. Encore des publicités. Qu'est-ce qu'on voit ici? Des publicités sur « Entendre, c'est merveilleux ». Saviez-vous que 70% de la population canadienne de 60 à 79 ans présente une perte auditive? Donc ici encore, on essaie de nous vendre... Les prothèses auditives, ça commence à être redondant. Ici, c'est au Médicin Chomedy. Donc, on continue à tourner. Page suivante. Qu'est-ce qu'on trouve ici? OK, on a un article santé. Je pense que c'est un des articles qui a été annoncé en page de couverture. L'homéopathie. Utile ou non? Bien qu'elle existe depuis plus de 200 ans, l'homéopathie alimente toujours autant de débats entre ses adeptes et ses détracteurs. Puis ça, c'est en gros, sur une page, ça annonce le titre. Puis si on tourne la page suivante, on a la moitié de la page qui est pour l'article. J'ai lu l'article, puis en gros, le résumé, ça dit que c'est difficile à prouver. Un médecin vient témoigner qui dit « À ma connaissance, il n'y a pas de recherches scientifiques qui ont abouti à des résultats positifs quant à la réelle efficacité de l'homéopathie. » Donc, ça peut être un article intéressant pour nos aînés. Page suivante, on est de retour avec nos appareils auditifs. C'est écrit « Ils portent l'appareil auditif le plus discret au monde. » L'auriez-vous deviné? Découvrez la lentille de contact pour l'oreille. Chez La Flamme et associé Audio Prothesis. Bon, on va changer de page. Là. Page suivante, les groupes résidences excellents. Bon, c'est encore de la publicité. Ah, et là, la page suivante, on arrive sur la section psychologie. C'est notre article. Et si on faisait chambre à part? C'est écrit, on peut s'aimer et ne pas toujours avoir envie de dormir dans le même lit. Pour des raisons de santé, par exemple. Prendre une telle décision mettra-t-il notre couple en danger? Donc, sur deux pages, on nous parle de plusieurs choses. Entre autres, un sommeil sain est égal à un couple sain. Puis, en gros, le résumé, j'ai lu l'article, ça dit il faut se débarrasser de l'idée préconçue que faire chambre à part, c'est le début de la fin. Donc, oui, eux, ils conseillent de faire chambre à part pour diverses raisons. Donc, l'article, intéressant pour nos aînés. On est rendu à plus 2, mais on est à moins 3 à cause des 3 pubs d'audio, je sais plus quoi. Là. Bon, page suivante. Allégez votre facture. Ça, ils nous l'annonçaient aussi. Bien manger à bon compte, c'est possible. Voici nos trucs et astuces. Ça va tout vous intéresser. Sur deux pages, ils nous donnent différents trucs. Pas trop dépenser à l'épicerie. Ils nous expliquent les différents trucs des épiciers là, qui consistent à nous mettre des produits ensemble pour nous les faire acheter. Par exemple, quand on arrive dans la section des fruits, ils font par exprès de mettre ça tout coloré, tout beau. Puis à côté, ils vont nous mettre, par exemple, le chocolat, puis ils vont nous suggérer de se faire une bonne fondue au chocolat. Fait que ça, c'est des moyens que les épiciers prennent pour nous vendre plus. Puis en gros, quand tu lis l'article, en résumé, ce qu'ils disent de faire, c'est la meilleure façon d'en avoir pour notre argent et de planifier nos repas. Donc, c'est d'avoir une liste pour pas tomber dans les pièges des épiciers. Donc, on se rend directement aux endroits qu'on a besoin et on essaye de pas tomber dans les pièges que l'épicier nous tend. Donc, plus 3, c'est un point de plus, c'est un bon article. Ensuite, on arrive à la page suivante, c'est une article, c'est une recette, une soupe de courge musquée paysanne à l'érable. Donc, manger mou, c'est bon pour nos aînés. Ensuite, oh, deux pages complètes sur le tourisme. 365 jours de plage en Antigua. Si Barbuda, son île jumelle, a subi de plein fouet l'ouragan Irma, Antigua a été totalement épargné. Hôtel et marina très prisés, site historique et surtout plage de rêve. Une pour chaque jour de l'année. Donc, quand on tourne à la page suivante, on a des forfaits pour se rendre en voyage. Donc, intéressant pour nos aînés qui aiment voyager. Ensuite, oh oui, ici j'aime ça, on arrive sur une page complète, c'est la boutique du bel âge. C'est une page complète qui nous propose différentes choses pour les aînés qui pourraient les aider. Par exemple, un ouvre-boîte stressless à 30$, ça fait que c'est vraiment coûteux. Là. Tout ce qu'il y a dans la page, là, c'est des prix exorbitants. Puis dans chacune des cages des choses qu'ils nous vendent, partout c'est écrit moins d'efforts, 50% moins d'efforts. Donc, ils jouent sur le fait que peut-être nos aînés sont rendus un peu moins forts. Puis une autre chose qui n'a pas de bon sens, ils nous vendent ici un évideur à fraises. Ça a juste l'air d'une petite... c'est juste un bâton, une genre de perche en métal pour enlever la queue d'une fraise. Comme si on avait besoin d'un gadget pour faire ça. Puis ils nous vendent ça 15$. Ensuite, un presse-purée à 50$, mais il est sans effort. Donc, ça, c'est moyen. C'est pas une bonne page, ça. Page suivante, on tourne des publicités, c'est sur les tourismes, c'est sur les traces de l'amiral Nelson, c'est pour aller où? C'est pour aller à Royal Rajasthan, en Inde du Nord, pour 3187 par personne. Et ensuite, on tourne, on arrive à ma page, c'est-tu ma page préférée? Non, oui, quoi faire ce mois-ci? Puis là, on a plusieurs pages qui suivent, c'est marqué « Comment occuper nos aînés ». Fait que là, j'ai essayé de me choisir une activité là-dedans. Fait que là, j'ai regardé dans « Atelier, cours et conférences ». Premier cours qu'ils nous offrent, c'est sur le fascisme, le nazisme et le stalinisme. C'est au sous-sol de l'église Saint-Jude, puis c'est gratuit. Il suffit de s'inscrire, ça débute le 20 septembre. Fait que ça, c'est mon activité fétiche, les cours sur le nazisme, on sait que c'est très populaire. Ensuite, j'en ai trouvé un autre bon. Atelier se ressourcer à travers les contes de fées. Ça, c'est le genre d'affaires qu'on propose des activités à nos aînés. C'est écrit « Les contes de fées sont une source d'inspiration extraordinaire d'une sagesse collective qui nous offre des clés concrètes pour retrouver le chemin de notre joie d'être et la replacer au cœur de notre vie. » Ça, je pense que je choisirais ça en priorité avant mon cours sur le nazisme. Je suis plus portée vers les contes de fées. Puis un autre que j'ai failli choisir avant de me rendre compte que j'avais mal lu, c'était de la peinture sur soie. Là, je m'étais dit, ah, aller me barbouiller puis me faire des dessins sur le corps, ça peut être intéressant. S'il y a des personnes, des proches aidants qui sont là, puis on se met tout nu, ça peut toujours être intéressant. Mais là, je me suis rendu compte que c'était de la peinture sur soie, S-O-I-E. Donc, c'est sur du tissu, des foulards, des coussins, des écharpes, des têtes d'oreilles. Donc, non. Fait que j'ai choisi mon activité, ça va être l'atelier se ressourcer à travers les contes de fées. Et ensuite, si on continue à tourner, bon, il y a 5 pages d'activités aussi jolies que les contes de fées. Et on arrive à notre dernière section des petites annonces. C'est un peu comme le journal de Montréal, mais il n'y a pas la section là, avec les prostituées, non. Mais il y a une section, c'est écrit « Personnel ». C'est pour les petites annonces de gens qui recherchent de l'amitié. La première, c'est « Femme de 52 ans, avec rondeur, veut correspondre par lettre avec un homme entre 50 et 55 ans. J'aime la nature, les marches et bien plus. Parle-moi de toi, Chantal. » Fait que ça, je trouvais ça intéressant, c'était cute. Ensuite, « Veuf de 75 ans, 5 pieds 8, 155 livres, recherche compagne de 65 à 70 ans, de belle apparence, qui aime les restos et les balades en auto, pour une relation stable. » Ensuite, veuf recherche dame célibataire pour relation stable entre 65 et 85 ans, affectueuse. J'aime la marche, les repas en tête-à-tête, le cinéma. Ça, c'est cute aussi. Ensuite, ma préférée, un homme de 65 ans, recherche femme de couleur sérieuse, en bonne santé, de 29 ans. Il spécifie le poids entre 125 à 175 livres, qui est bien proportionné, très affectueuse, ayant besoin d'amour et d'affection. Donc, on s'en doutait déjà que c'était un petit peu pour ça que l'annonce était, là, quand tu es un homme de 75 ans qui recherche une dame de 29 ans. C'est marqué « Appeler entre 9h et midi ou 18h et minuit » parce que, d'après moi, en après-midi, il doit être au bingo, le vieux cochon. Fait que c'est ça, ça fait tout la revue. Il y a un mot croisé pour terminer. On se le fait pas ensemble, non. Fait que la revue, le bel âge, bon, d'après ce que j'ai vu, c'est plus des niaiseries que d'autres choses. Je vous conseille de laisser faire cette revue-là et d'aller sur Internet pour vous éduquer. Il y a des reportages plus intéressants que ça. Voilà! Bon, de retour, un gros merci à notre chroniqueuse de cette semaine. C'était une chronique très intéressante. Une belle critique sur cette revue-là du bel âge. On part en musique, mais avant, je vous fais jouer un bout de film. En fait, c'est sa bande-annonce. C'est un film qui procure du plaisir à chaque fois qu'on le réécoute. C'est un vieux film. Saurez-vous le découvrir? J'allume mon ordinateur. Je me connecte. Bienvenue. Ma respiration se bloque jusqu'à ce que j'entende ces quatre petits mots. Vous avez un message. Mais qu'est-ce qui se passe? On est infidèle quand on a une relation par email? Cette femme est la créature la plus adorable avec laquelle j'ai jamais été en contact. Il y a eu rapport sexuel? Bien sûr que non, je le connais même. Non, je veux dire cybersexuel. Non? Ben, je te conseille de pas en avoir. À la seconde où tu acceptes, il perd de tout respect pour toi. Dans une ville où chacun cherche son quelqu'un, Joe et Kathleen ont découvert la meilleure façon de rencontrer quelqu'un. Salut. Ne jamais se rencontrer. On s'envoie des emails. Autant dire qu'il n'y a rien. Je ne sais pas comment il s'appelle, je ne sais pas ce qu'il fait. Regarde. Je ne sais pas dans quel quartier il vit. Quoi? Ne dis pas n'importe quoi, il ne peut pas être le tueur des toits. Ce qu'ils ne savent pas. C'est pas vrai, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez tout le caviar. Ce caviar, c'est une garniture. C'est qu'ils se sont déjà rencontrés. Joe Fox, je suis libraire, c'est mon métier. Moi, libraire, c'est mon métier. Qu'est-ce que j'aurais dû répondre à l'homme qui a démoli ma vie professionnelle? Je me demandais, comment vous faites pour dormir? Se battre à mort. Dans la vie, ils sont ennemis. Se battre. Elle est très jolie, mais c'est une peste. Sur Internet, ils sont amoureux. Vous croyez qu'on devrait se rencontrer? Se rencontrer? Oh mon Dieu! Ben, je vais dire bonsoir, je vais boire un petit café et puis je vais me barrer, c'est ce que je vais faire. Et pourquoi j'ai fait ça d'abord? Pourquoi je suis obligé de la rencontrer? Relax! Tu passes simplement au niveau suivant. Je vais pas rester assez longtemps de toute façon. Je te l'ai pas déjà dit ça? Si, tu me l'as dit. Il sera peut-être la prochaine personne à entrer dans la boutique. Si ça se trouve, c'est... Je peux monter vous voir? Non, je crois que c'est pas une bonne idée parce que... J'ai un énorme rhume. Vous avez un message?

pour rester dans mon thème du bonheur, aujourd'hui, samedi, j'ai fait le tour des magasins bonheur autour de moi. Ce matin, quand je me suis réveillé, je suis parti au Carrefour Laval. Puis en allant magasiner là, je suis tombé à l'intérieur sur le magasin de Lindt, le fameux chocolatier là. Puis à l'intérieur, c'est la première fois que je voyais leur magasin. C'était des montagnes de chocolat Lindt, là, les petites boules, mais à différentes saveurs. Des tonnes de saveurs que j'avais jamais vues. Il y avait peut-être 12 saveurs différentes, tout ça dans des gros bacs. Puis leur promotion à eux, c'est que tu peux remplir un sac qui contient 100 de ces chocolats-là, que tu choisis toi-même. Puis ça monte à 40$ avec les taxes. Bon, moi, j'avais pas le goût d'avoir 100 chocolats Lindt à la maison, là. Donc, j'ai juste acheté une petite quantité. Là, j'ai pris une douzaine de chocolats. J'en ai pris un de chaque pour les goûter. Mais ça, c'est vraiment le genre de magasin que j'appelle magasin bonheur. Ensuite, je suis passé chez Renaud-Bray. Puis le Renaud-Bray au Carrefour Laval est vraiment immense. Puis la section de bande dessinée est vraiment complète. Puis ce que j'ai remarqué en allant là, c'est que c'est sûr que moi, je regarde plus les BD pour garçons, vu que j'ai deux garçons. Mais j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de bandes dessinées pour les jeunes filles aussi. Donc, pour ceux qui écoutent le podcast là, puis qui m'entendent parler de BD toujours, ben, sachez qu'il y en a aussi, pour ceux qui ont des filles, il y en a plein de différentes. Puis j'ai regardé les illustrations, puis c'était magnifique, là, ça attirait l'œil, puis tout ça. Puis les histoires avaient l'air bonnes aussi. J'ai pas noté le nom de toutes ces BD-là pour jeunes filles, là, mais simplement se rendre au Renaud-Bray puis vous allez voir. Je crois qu'il y en a un qui c'était Les Histoires de Coralie. En tout cas, il y en a plein, plein. Fait que j'étais content de voir qu'il y en avait pour tous les goûts. Mon troisième magasin bonheur, c'était le Simons, parce que moi, j'adore le linge au Simons. J'adore les marques qui sont là, donc je suis allé m'habiller. Et en revenant, je suis arrêté à mon dernier magasin bonheur. Je suis arrêté chez Renaissance, la boutique de dons, pour aller valider la section de bande dessinée. Puis malheureusement pour mon porte-monnaie, aujourd'hui, il avait reçu une grosse collection, quelqu'un qui avait apporté plein de bandes dessinées. Puis je suis tombé sur 18 bandes dessinées que j'avais pas, dont la collection, une collection qui a l'air complète. Il y avait 12 volumes qui s'appellent Hans, H-A-N-S. J'ai les 12 premiers volumes de cette série de bandes dessinées-là. Puis ça semble très intéressant, ça semble être de la science-fiction. Je vous lis le synopsis là, pour le plaisir. 2027. Dans une contrée inconnue, aux abords d'une ville, erre un homme. Amnésique, il ne se souvient que de son prénom, Hans. Récupéré par les gardes de la ville qui veulent l'emprisonner, il s'enfuit et est recueilli par deux pilleurs extérieurs. Grâce à eux, Hans apprend les règles de ce monde dévasté par une catastrophe nucléaire où la pensée, la puissance de la suggestion occupe une place importante. Pourchassé par les vigilants, il se réfugie dans les montagnes de lumière. Lentement, Hans recompose le puzzle de sa vie. Donc, ça semble très intéressant. Donc, je vais lire ça cette semaine, je pourrais vous en reparler. Puis une des choses que j'ai remarquées en allant au Renaud-Bray, j'ai regardé le prix des bandes dessinées. Puis le prix est rendu hallucinant, là. Je trouve que c'est rendu quand même assez élevé. Le prix a encore monté là, dernièrement. Les bandes dessinées bien normales, là, c'est maintenant rendu proche de 20$. La majorité des BD que je regardais là, qui m'intéressaient étaient dans les 23$. Donc, je trouve que ça commence à être coûteux. Donc, si vous pouvez faire le tour des marchés aux puces, les magasins de dons, pour avoir des BD de seconde main. Y'a un docteur qui s'en vient à Sainte-Marie pour un mois. On a un mois pour convaincre le docteur de signer un contrat à long terme. Que la meilleure place au monde pour vivre, c'est Sainte-Marie la moderne. Si le docteur signe, on a l'usine. On va faire un grand ménage. Il faut qu'aussitôt qu'il arrive dans le village, il y ait un coup de foudre. Je peux vous aider? Savez-vous ce qui serait bien pour le séduire? Trouver de l'argent. Vous savez, tu marches, puis d'un coup, bang, il y a de l'argent. Ça peut être 10 cents, c'est pas grave. Moi, ça me met de bonne humeur pour des jours. Le cricket! Réal m'a dit que c'est un fanatique du cricket. Cricket, cricket? Non, moi, déjà le sushi, je trouve ça limite. Non, cricket, le sport. Ils font courser. Non, le sport avec une balle et une espèce de bâton aplati, là. Ça va être ton haut. Ça va être tout blanc. Regarde, ça va être beau. On va mettre quelque chose pour la protéger. Croyez-moi, il y a un docteur quelque part qui veut venir habiter ici. Je le sens. C'est un petit bonheur que j'avais ramassé. Il était tout en pleurs sur le bord d'un fossé. Quand il m'a vu passer, il s'est mis à crier. Monsieur, avancez-moi, chez vous, amenez-moi. Mes frères m'ont oublié, je suis tombé, je suis malade. Si vous ne me point, je vais mourir de malade. Je me ferai une petite endrichtomie, je vous le jure. Monsieur, je vous en prie, délivrez-moi de ma torture. Bonheur, je l'ai mis sous mes haillons. J'ai dit, faut pas qu'il meure, viens dans ma maison. Alors le petit bonheur, il a fait sa guérison. Sur le bord de mon cœur, il a fait une chanson. Mes jours, mes nuits, mon mal, mon deuil, mes peines, tout plus d'oublier. La vie de l'étoré, j'avais des goûts de la commencer. Quand il devait le wow, mes amis me faisaient la peine. Prenez mon petit bonheur et je lui disais, c'est toi ma reine. C'est toujours la nuit, il me reste l'ennui, il me reste le mépris, enfin que je suis. Il me reste la vie. Mais la corps seulement à condition. Ne pas se penser. religieux. C'était une menthe religieuse. Tire de loin qui est bloqué par le capitaine Carbonneau. Et c'est Bellows qui accidentellement lance chez les spectateurs. Carbonneau s'est fait mal à la main gauche. Pas apprécié le geste de McSorley. Non. Qui a lancé dans sa direction, un lancé très haut. Et à 46 secondes, Gilles, des festivités. Je pense qu'on peut oublier la douleur et la haine. 4-1 Canadien. Qui l'emporte par une marche au-delà d'un but pour une fois. Canadien, 12 de ses 15 victoires, Claude, en série. Gilles, la Coupe Stanley est prête. Par la marge d'un but. 12 de ses 15 victoires par la marge d'un but avant celle de ce soir. On apportera le précieux trophée maintenant sur la patinoire, du moins dans un moment, à 46 secondes et 6 dixièmes. Et qui va gagner le trophée? Connie Smythe. Patrick Roy, bonne chance. Déjà, il y a des joueurs debout au banc du Canadien. Sur le banc, il y a Keane qui est debout. Tout le monde est là. Dionne, le président Corée. Pendant ce temps, ben Muller et Leclerc gagnent les dernières secondes. Une passe arrière qui ne trouve pas preneur. Reichel a fait tomber Leclerc. C'est la contre-attaque du grand Wayne Gretzky. Voilà Hardy, un tir de loin qui rate le filet. 17 secondes maintenant. C'est chose certaine. Le Canadien qui remporte sa 24e Coupe Stanley de son histoire. Et c'est l'équipe qui a gagné le plus de championnats dans le monde du sport. Toute discipline comprise. C'est terminé! Victoire du Canadien de Montréal qui élimine les Kings en 4 victoires contre une défaite. Chip, chip, chip, chip, tune. Voilà, c'est déjà tout pour ce Lobster 10.0 où on a parlé surtout de bonheur et de plaisir. Donc, je vous dis à la semaine prochaine et vous laisse sur cette pensée. Si vous nagez dans le bonheur, soyez prudent, restez là où vous avez vos fonds. Bonne semaine! feeling in our brains, but it's nothing new. You know it drives us insane. Running on our way out, you will be dying a thousand deaths. Running on our way out, you will be dying a thousand deaths. Yeah! Ha ha ha ha!